Les grandes espérances, de Charles Dickens. Traduction et adaptation, Sylvie Granotier. 11e épisode. Pip vient de fêter sa majorité lorsqu'un inconnu débarque chez lui en pleine nuit. Il découvre alors que son mystérieux bienfaiteur n'était pas Mademoiselle Havisham, comme il se rêvait à le croire, mais le forçat évadé qu'il avait été contraint d'aider lorsqu'il vivait encore chez sa sœur et qu'il se préparait à un avenir de labeur et de pauvreté. C'est comme je te le dis, mon garçon. Mon projet pour toi, c'est ce qui m'a tenu la tête hors de l'eau. Le chien galeux, comme tu me vois, il s'est hissé du col assez haut pour fabriquer un gentleman. Ouais. Et même c'est toi, Pip. Ah, ça, je t'épate, hein. Et quand je gardais les moutons à plus savoir à quoi ça ressemble un homme ou une femme, je te voyais, toi. Que Dieu me foudroie, je disais, et je sortais pour le dire en plein ciel, si je fais pas de ce garçon un gentleman dès que je suis tiré d'affaire. Ben, c'est fait. Ah, essaye pas de parler, Pip. T'étais pas préparé. T'as pas eu le temps comme moi de voir arriver ce moment-là, tout lentement. Eh, t'as jamais pensé que ça pourrait être moi? Non. Non, jamais. Jamais. Ben, c'était moi. Et tout seul encore. Juste moi et Monsieur Jaggers dans le coin. Il n'y avait personne d'autre? Bah non, à quoi tu penses? Bon, où est-ce que tu m'installes? Vous voulez passer la nuit ici? Elle sera longue et profonde, mon garçon, depuis des mois que je me fais secouer et tremper par la mer. L'ami avec lequel je partage cet appartement est absent. Vous allez prendre sa chambre. Eh, hey, il revient pas demain? Non, pas demain. Parce que, tu vois, mon petit, il va falloir faire gaffe. Comment ça, faire gaffe? Déporté à vie. Si on me prend, on me pend. Oh, tout ça m'a ouvert l'appétit, mon garçon. Servez-vous. Je vais m'assurer que tout est bien fermé. Merci, mon garçon. Il finit par aller se coucher, après m'avoir demandé de lui prêter un peu de mon linge de gentleman pour le lendemain. Pendant près d'une heure, je restais trop hébété pour réussir à réfléchir. Mon vaisseau était en miettes. Les projets de Mademoiselle Havisham pour moi étaient un mirage. Estella ne m'avait jamais été destinée. Et je me trouvais enfermé avec un homme violent et dangereux au plus profond de la nuit furieuse et solitaire. Quand mon hôte se leva, bonjour, mon garçon. Je lui trouvais encore bonjour. Plus mauvaise mine au grand jour. Installez-vous. Le petit déjeuner est servi. Ah. Je ne sais même pas de quel nom vous appelez. J'ai annoncé au gardien que vous étiez mon oncle. C'est parfait. Appelle-moi oncle. Vous aviez bien un nom d'emprunt sur le bateau pour venir? Bien sûr. Je me faisais appeler Provis. Vous allez garder ce nom-là? Ma foi, oui. Sauf s'il ne te plaît pas. C'est quoi votre vrai nom? Magwitch, prénom Abel. On vous connaît à Londres? Pas des masses. J'opérais plutôt en province. Avez-vous déjà été jugé ici? Oh, bah oui. C'est même là que j'ai connu Jaggers. Il me défendait. Et ce que j'ai fait, c'est réglé, j'ai payé. Mais t'as pas faim, toi? C'est pas moi qui te coupe l'appétit, au moins. Non, non. Ouais. J'ai toujours été un gros mangeur. Si par constitution j'aurais été un petit mangeur, peut-être bien que j'aurais eu que des petits ennuis. C'est comme le tabac. Il me faut mon tabac. Donc, si tu permets, je sors mon attirail. Ah, mon Pip. Le bien que ça me fait de te regarder. Le gentleman authentique. Regarde voir un peu mon portefeuille. T'as vu les bifetons là-dedans? C'est tout pour toi. Je suis revenu au pays pour voir mon putain de gentleman dépenser son putain d'argent en putain de gentleman. Calmez-vous, je vous en prie. Il faut qu'on parle, qu'on réfléchisse. Oh, écoute-moi bien, Pip. Je suis sorti de mes gonds pendant une minute et c'était grossier. J'étais grossier. Faut pas m'en vouloir. Je recommencerai pas. Comment vous prémunir contre le danger qui vous menace? Déjà, il est pas si terrible. Sauf si qu'on me dénonce, et à part Jaggers, Wemmick et toi, je vois pas trop qui c'est qui pourrait me dénoncer. Personne ne risque de vous reconnaître dans la rue. Bon, bah, je vais pas passer une annonce au journal comme quoi AM est de retour des cachots australiens. Puis après tant de rouleaux d'années, qui sait qu'il y aurait quelque chose à y gagner. Et vous comptez rester combien de temps? Toujours. J'ai pas dans l'idée de retourner. Mais où serez-vous à l'abri? Mon garçon, que je te rappelle que les perruques et les autres choses, ça s'achète. Et je serai pas le premier à me déguiser ni vu ni connu. Vous prenez tout à la légère ce matin. Mais hier soir, quand vous parliez de menaces de mort, vous étiez sérieux. Et je le suis. C'est pas une blague, la mort. La mort par pendaison et en public et pas loin d'ici. Et c'est important que tu le comprennes bien. Repartir maintenant, ce serait pas mieux que de rester. Ou pire, je dirais. Puis tu sais, Pip, je suis là parce que ça fait des piges que j'en rêve. Un vieux corbeau comme moi, les épouvantails, il se perche dessus. Et si la mort se planque dedans, bah qu'elle sorte, et j'y ferai face. Mais j'y croirai pas avant. Et maintenant, laisse-moi reluquer encore un coup, mon gentleman. Je vais devoir mettre mon ami Herbert au courant. Il faut d'abord que je le voie de mes yeux. Que je l'évolue comme il est en vrai, et puis qu'il jure sur mon petit livre noir. Bon, nous verrons cela à son retour. Je connais un fripier. J'y vais de ce pas. Vous, vous restez enfermé, vous n'ouvrez à personne. Hé, hey, Pip, t'as noté la carrure de la bête? Ah, moi, je me tiendrai à carreau, c'est juré. J'allais de boutique en boutique faire les emplettes nécessaires pour transformer l'apparence de mon hôte avant de me rendre chez Monsieur Jaggers pour mon propre compte. En me voyant entrer, Jaggers se leva et alla aussitôt se poster devant la cheminée. Maintenant, Pip, faites très attention. Vous pouvez me faire confiance. Ne vous mouillez pas. Ne mouillez personne. Vous m'entendez bien? Personne. Et ne me dites rien, je ne veux rien savoir, je n'éprouve aucune curiosité. Monsieur Jaggers, je veux simplement m'assurer que ce qu'on m'a dit est vrai. J'ai cru entendre ce qu'on m'a dit. N'était-ce pas plutôt ce que j'ai appris? Parce que le verbe dire implique une communication verbale. Or, vous ne pouvez pas avoir de communication verbale avec quelqu'un qui se trouve dans la Nouvelle-Galles du Sud. Je dirais donc que j'ai appris qu'un certain Abel Magwitch était le bienfaiteur dont j'ignorais l'identité. C'est bien lui, un homme de la Nouvelle-Galles du Sud. Lui seul? Lui seul. Je ne vous considère pas responsable de mes errements et de mes conclusions erronées, ce serait absurde. Mais j'ai toujours supposé qu'il s'agissait de Mademoiselle Havisham. Comme vous dites, Pip, je n'y suis pour rien. Toutes les apparences plaidaient en sa faveur pourtant. Ne jamais se fier aux apparences, seulement aux preuves tangibles. Il n'y a pas de meilleure règle. Je n'ai rien d'autre à dire. Mon information était confirmée, c'est tout. J'ai pour ma part mis en garde Magwitch de la Nouvelle-Galles du Sud, qu'il était exilé pour le restant de ses jours, et que son retour en Angleterre constituerait un délit qui l'exposerait au châtiment suprême. Je suis certain qu'il en aura tenu compte. Bien sûr. Je vous souhaite une bonne journée, Pip. Bien content de vous avoir vu. Ça ressemble à rien ton costume, Pip. Tu aurais pu au moins me faire essayer des bas et une culotte en satin. Avec les cheveux poudrés. Vous ne voulez pas attirer l'attention, tenez, enfilez ce manteau. Et vous êtes bien plus à l'aise avec ce grand pantalon. Et le foulard noué autour du cou, ça me gratte. Je vous assure que vous êtes transformé. Si vous voulez, on vous poudrera les cheveux. Bon, si tu me les poudres, alors d'accord. Quelque chose dans mon hôte résistait au déguisement. Sa façon de se tenir, de faire les 100 pas la tête rentrée, d'essuyer son grand couteau sur sa cuisse, de se tailler une tranche de pain et de la tremper dans ses restes de sauce jusqu'à la dernière goutte et d'essuyer ses doigts dessus avant de l'avaler. Toutes ces manières et 1000 autres petits riens du quotidien annonçaient le repris de justice. Il suscitait chez moi une terreur telle qu'une nuit je me levais d'un bond prêt à aller m'enrôler en Inde comme simple sergent. L'idée du retour d'Herbert seule me retint. L'attente dura 5 jours. C'est quoi? C'est qui? C'est mon ami Herbert. Rangez ce couteau. Bon, bon, ça va. Endel, mon ami, comment vas-tu? J'ai l'impression d'être parti depuis un an. Avoir ta mine, c'est au moins ça. Tu as maigri. Tu es pâle. Endel, mon vieux. Pardon. Bonsoir, monsieur. Herbert, mon ami. Je vais t'expliquer. Ce monsieur... Ça va bien comme ça, mon petit pipe. Quant à vous, monsieur, prenez ce livre sacré dans votre main droite. Et que Dieu vous foudroie des fois que vous cracheriez le morceau d'une façon ou d'une autre. Embrassez le livre. S'il te plaît, Herbert, fais-le. C'est ce qui s'appelle prêter serment. Mon oncle. Ton oncle ? Il m'est impossible de décrire la stupéfaction et l'inquiétude que manifesta Herbert pendant que je lui révélais le secret tout entier. D'autant qu'en face, Provis exhibait un air de triomphe, persuadé que ses actions ne pouvaient que nous rendre heureux et fiers, Herbert comme moi. Provis a occupé ta chambre une nuit, mais je lui ai trouvé un logement sûr à proximité. Et si vous voulez bien, Provis, je vais vous y accompagner. Et je reviens aussitôt. Tu veux bien m'attendre, Herbert ? Évidemment. Je vous souhaite une bonne nuit. À demain. Oui, c'est ça. À demain. Allez, venez, Provis. Je pris toutes les précautions que je m'imposais désormais pour m'assurer que nous n'étions pas suivis. Personne n'avait franchi la grille à notre sortie. Personne ne l'a franchi à mon retour. Herbert m'accueillit les bras ouverts et jamais je n'ai autant apprécié la bénédiction d'avoir un ami. Que faire ? Mon pauvre... Mon cher Endel, le choc est tel que je n'arrive pas à penser. En plus, il veut se lancer dans des dépenses folles. Des chevaux, des voitures, tout un étalage de luxe. Il faut l'en empêcher d'une manière ou d'une autre. Tu veux dire que tu ne peux pas accepter ? Impossible. Il suffit de le regarder. Impensable. Mais le plus horrible, c'est qu'il m'est incroyablement attaché. A-t-on jamais vu pareil destin ? Mon pauvre Endel, mon cher Endel. Que faire ? Herbert, que faire ? Il faut l'obliger à quitter l'Angleterre. Et le seul moyen de l'en convaincre, c'est que tu partes avec lui. J'avais rêvé de solutions toute la nuit. Mais au réveil, la terreur m'avait repris de voir Provis arrêté pour rupture de banc. À peine arrivé, il sortit son couteau et se mit à table. Il bouillonnait de projets. J'ai encore réfléchi hier. Si je t'ai laissé le portefeuille ici, c'est pour que tu le vides. Tu me comprends, Pip ? L'idée, c'est que comme gentleman, tu sois un gentleman à la hauteur. Faut que tu te trouves une piole à la hauteur. Parce qu'ici ou dans ma crèche à côté, c'est juste en attendant, on est d'accord ? Près de Hyde Park, ça serait chouette. Où je pourrais monter mon petit campement sans déranger. Provis, on aimerait en savoir un peu plus long sur vous, sur votre vie. De toute façon, Amit Pip, vous êtes sous serment, vous le savez. Assurément. et ça vaut pour tout ce que je pourrais dire. Le serment, il couvre la totalité et les intérêts. C'est bien ce que j'ai compris. Et un dernier truc important, c'est que ce que j'ai fait, je l'ai fait, et je l'ai réglé, et payé franco. Il sortit sa pipe, s'apprêta à la remplir, mais s'arrêta pour regarder les fils de tabac enchevêtrés comme s'il considérait qu'ils emmêleraient aussi le fil de son récit. Il rangea sa blague, enfila sa pipe dans sa boutonnière, étala ses mains à plat sur ses genoux, tourna un instant son regard furieux vers les flammes, revint vers nous. Il était prêt à commencer. Pour faire court, jusqu'à ce qu'on m'embarque pour l'Australie après le coup de main du gamin, on m'a à peu près tout fait sauf me pendre. J'ai pas idée d'où que je suis né. En Essex, voleur de navets, c'est la première fois que je me rappelle d'être moi. Je sais que je m'appelle Magwitch. Prénom Abel. Le petit Abel, qui avec la peau sur les oreilles par-dessus, il faisait peur à tout le monde, faut croire. Vu comme il se faisait virer ou serrer dès qu'il pointait le nez. J'ai fait vagabond, mendiant, voleur, travailleur des fois. Pas si courant, vu que si vous vous posez la question, vous-même vous m'auriez pas embauché. J'ai fait braconnier, manœuvre, roulier, faneur, colporteur. Et de petit métier en petit métier qui rapporte que la leçon des emmerdes, je suis devenu un homme. J'ai appris à lire avec un déserteur et à écrire avec un faussaire. Et puis, il y a peut-être 20 ans, j'ai rencontré un homme que je voudrais encore lui fracasser le crâne à coups de tisonnier, comme on éclate une patte de homard. Son nom, c'est Compeyson. Et c'est le même que je voulais zigouiller quand on nous a arrêtés par chez toi, Pip. Je l'ai rencontré dans un rade où j'avais mes habitudes. Le patron qui m'avait à la bonne m'a présenté en disant que je pourrais faire l'affaire selon lui. On se regarde, Compeyson et moi. Lui, il a la chaîne de montre, la bague, l'épingle de la cravate, sapé comme un prince. Beau gosse en plus. Moi, je sortais. Là, en jugé par les apparences, t'es pas en veine. J'y ai jamais été trop non plus. La veine tourne. La tienne pourrait tourner. Je serais pas contre. Il y a toute la place. Qu'est-ce que tu sais faire ? Me remplir la panse, si on me donne de quoi. Tiens. Voilà 5 shillings. On se retrouve ici demain à la même heure. Et le lendemain, Compeyson me propose d'être son partenaire. Et c'était quoi son turf ? Tout ce qui lui passait par la tête comme ça le cou, tant que ça le mouillait pas, qu'il s'en mettait plein les fouilles et qu'un autre emportait le chapeau. Il avait le cœur d'une lime à métaux et la froideur de la mort. Il y avait un autre gars avec lui. Arthur, c'était son nom. Dans le temps, ils avaient eu une embrouille avec une Richard et elle s'était laissée traire d'un paquet de pognon. Compeyson, c'était un joueur. Il a jamais eu de pitié de rien, ni personne. Et Arthur, ses remords l'ont tué. Compeyson, lui, il connaît même pas le mot. Que je vous raconte encore comment je me suis retrouvé tout seul devant les juges. Et condamné, en plus. On avait été inculpés tous les deux pour félonie. Il me dit... On se défend séparément. Plus de communication. Quand j'ai entendu son avocat, j'ai compris le poteau rose. Messieurs de la cour, vous avez devant vous deux hommes qu'un regard suffit à dissocier à jamais. Celui-ci, le plus jeune, a reçu une bonne éducation. On sait comment lui parler. Et celui-là, plus âgé, une brute sans éducation. On sait comment lui parler. Le premier n'apparaît jamais en personne dans les transactions dont vous aurez à juger. Et l'autre y apparaît sans cesse. S'il y a un seul coupable dans cette affaire, à votre avis, lequel est-ce ? S'il y en a deux, lequel est le vrai responsable ? Rappelez-vous, enfin, comment mon client a aidé les services de police, leur fournissant les preuves du rôle réel joué par cet homme qui avait su gagner sa confiance, jouant de sa naïveté et de sa crédulité. Cet homme, mes juges, c'est la dernière des canailles. Une fois dehors, je t'écrase ta sale gueule. Je demande la protection de la cour. Résultat des courses, comme Payson s'est pris 7 ans et moi 14. On s'est retrouvé sur le même ponton, lui et moi. Mais jamais je réussissais à le coincer. Un jour, j'arrive par derrière pour l'assommer. Juste un coup sur la tête pour commencer. Et on m'empoigne et on me moque à chaud. Sauf que c'était de la rigolade pour quelqu'un comme moi qui avait vu du pays et qui savait plonger et nager. Je suis arrivé à la rive. Je me suis planqué dans le cimetière en me disant qu'ils avaient bien de la chance, ceux qui étaient en dessous des tombes. Et c'est là que j'ai vu Pipe pour la première fois. Quand le mioche m'a fait comprendre que comme Payson s'était fait la belle après moi, je l'ai retrouvé. Et je te l'ai joliment amoché. Je voulais le ramener au ponton, mais on s'est fait reprendre avant. Il s'en est bien tiré. Il a dit qu'il s'était évadé sous le coup de la terreur parce que je le menaçais. Moi, je m'en suis tiré léger. On m'a mis au fer, rejugé et banni à vie. Et me voilà. Il est mort ? Qui, mon garçon ? Quand Payson ? S'il est vivant, crois-moi qu'il m'espère mort et enterré. J'ai plus jamais entendu parler de lui. Mademoiselle Havisham s'appelait Arthur. Et Compeyson est l'homme qui a séduit et abandonné Mademoiselle Havisham. C'était Les Grandes Espérances de Charles Dickens. Traduction et adaptation, Sylvie Granotier. 11e épisode. Avec Jacques Gamblin, Samuel Charles, Marc Barbet, Brice Hilleré, Didier Brice, Christophe Brault, Philippe Magnan. Et les voix de Rose Martine, Florian Goetz, Blandine Baudrillard, Olivier Cherki, Jordan Brandao-Rodriguez. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Création sonore, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Nior, Manon Houssin. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Juliette Eman. Vous retrouverez le générique complet sur le site franceculture.fr.